l'État seul ou la fédération, deux manières d'organiser la puissance. Il existe, pour aller vite, deux grands modèles en politique. Alors oui, je sais, dit comme ça, on sent arriver le schéma au tableau, avec deux colonnes, presque une craie qui grince. C'est un peu sévère, mais l'idée, elle, est utile, et je vous rappelle qu'il n'y a plus de craie dans les salles de classe. Premier modèle, l'État pleinement souverain. L'idée est assez simple, un pays décide seul, il fait ses lois, contrôle ses frontières, choisit sa monnaie, fixe ses impôts, conduit sa politique étrangère. En théorie, il n'a de compte à rendre à personne. Et dit comme cela, c'est assez séduisant. Après tout, qui n'aime pas l'idée de décider par soi-même? Un État souverain a en effet un avantage clair, il garde en main les grands instruments de décision, il peut protéger certains secteurs, ouvrir ou fermer davantage son commerce, orienter son budget, fixer ses propres règles, et surtout, il peut aller plus vite. Moins il y a d'acteurs à consulter, moins il y a de négociations interminables, moins il y a de blocages, ce n'est pas rien. Parce que, déjà, faire travailler ensemble plusieurs niveaux de décision dans un seul pays, ce n'est pas toujours une fête. Alors quand il faut en plus s'entendre entre plusieurs États, chacun avec ses intérêts, ses contraintes, ses susceptibilités et ses grands principes, le mécanisme peut devenir, disons, pesant. Donc oui, la souveraineté donne de la liberté d'action, mais elle a une limite. Un État isolé, surtout s'il est petit ou moyen, n'a pas toujours la force suffisante pour peser réellement dans l'économie mondiale. Il peut manquer de marché intérieur, de puissance financière, de capacité industrielle, de poids diplomatique. Il reste libre, bien sûr, libre de décider seul, mais aussi libre de subir seul les crises, les pénuries, les hausses de prix, les pressions des marchés ou les rapports de force imposés par de grandes puissances beaucoup mieux armées que lui. Et là, on découvre une chose un peu cruelle. Avoir tous les outils ne suffit pas toujours. Encore faut-il avoir la force de s'en servir efficacement. On peut donc être parfaitement maître chez soi et constater que la maison est petite, que les murs sont fins et que les voisins sont énormes. Dans ce cas, la souveraineté existe juridiquement. Sur le papier, tout va bien. Dans les faits, c'est parfois un peu plus maigre. À l'opposé, on trouve un deuxième modèle, la fédération. Ici, plusieurs États ou territoires acceptent de former un ensemble politique plus large. Ils ne se contentent pas de coopérer de temps en temps, au gré des circonstances ou des bonnes intentions du moment. Ils mettent en place des institutions communes, durables, des règles communes, un pouvoir central, une répartition des compétences et souvent un budget commun plus important que celui d'une simple organisation internationale. Dans une fédération, tout n'est pas décidé au même niveau. Certaines questions relèvent du pouvoir fédéral, d'autres restent entre les mains des États fédérés. L'idée n'est donc pas de faire disparaître des territoires dans un grand bain uniforme, ce n'est pas le projet. Le principe, c'est plutôt de partager la souveraineté. Et ce partage repose sur une logique assez simple. Accepter de perdre un peu d'autonomie locale pour gagner en cohérence, en stabilité et, chose non négligeable, en puissance collective. L'exemple classique, c'est celui des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas un État totalement centralisé, c'est une fédération. Le pouvoir y est partagé entre le niveau fédéral et les États. La Constitution organise cette répartition. Cela signifie que l'Union décide dans certains domaines essentiels, mais qu'elle ne contrôle pas tout. Chaque État conserve une part importante de pouvoir. Bref, l'ensemble est uni, mais il n'est pas uniforme. Et il faut éviter ici une idée un peu paresseuse qu'on entend parfois. Celle selon laquelle les États-Unis auraient toujours été naturellement une seule nation, comme une évidence tranquille, presque biologique. Non, les choses sont plus compliquées que cela, elles le sont toujours. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'ils disposent d'institutions communes solides, d'un marché intérieur intégré, d'une banque centrale, d'un gouvernement fédéral puissant, et cette organisation a renforcé leur unité politique sans effacer les différences régionales, sociales ou culturelles. Autrement dit, une fédération ne supprime pas la diversité. Elle essaie de la faire tenir ensemble, ce qui est déjà beaucoup. Les avantages d'un système fédéral sont importants. Un grand marché facilite les échanges. Des règles communes simplifient la vie économique. Des institutions communes réduisent les problèmes de coordination. Un budget fédéral permet de financer de grands projets ou d'aider les régions en difficulté. Et bien sûr, un ensemble vaste dispose souvent de davantage de poids pour négocier, produire, investir, innover ou se défendre. Vu comme cela, on pourrait se dire, très bien, la question est réglée, allons tous vers la fédération, merci, bonsoir. Évidemment, non. Car là encore, il y a un prix à payer. Une fédération ne vit pas dans l'harmonie permanente, elle produit au contraire des conflits réguliers sur la répartition des pouvoirs, sur les transferts financiers, sur les priorités communes, sur ce qui doit être décidé au centre et ce qui doit rester local. Et derrière les grandes formules institutionnelles, on retrouve toujours les mêmes questions, des questions très nobles, très théoriques, très profondes. Enfin, surtout trois. Qui paie ? Qui décide ? Qui profite ? Ces questions reviennent sans cesse, et elles agacent vite. Surtout quand certains territoires ont le sentiment de donner beaucoup, de recevoir peu, ou d'être dirigés par des responsables lointains qui comprennent mal leur situation, leurs besoins ou leurs intérêts. Là, tout de suite, l'esprit fédéral devient un peu moins lyrique. Nous avons donc deux pôles. D'un côté, l'État souverain, il décide seul, mais il affronte seul les difficultés du monde. De l'autre, la fédération, elle est plus forte collectivement, mais chacun doit renoncer à une part de sa liberté de décision. Présenté comme cela, c'est propre, un peu trop propre d'ailleurs, parce que la réalité n'aime pas beaucoup les tableaux bien rangés. Les pays ne sont pas obligés de choisir entre l'isolement complet et la fédération intégrale. Entre les deux, il existe toute une série de formules intermédiaires. Des accords commerciaux, des unions douanières, des marchés communs, des coordinations économiques, des unions monétaires. Bref, tout un éventail de degrés d'intégration. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car la politique réelle ne se joue pas seulement aux extrêmes. Elle se joue souvent dans l'entre-deux, dans le compromis, dans les constructions partielles, dans les systèmes qui avancent sans aller jusqu'au bout, dans les ensembles qui veulent coopérer davantage, sans devenir pour autant un seul État. C'est justement ce que l'économiste Béla Balassa a cherché à analyser. Son idée, ce n'est pas seulement d'opposer deux modèles simples que tout le monde voit à peu près. C'est de comprendre les étapes intermédiaires par lesquelles plusieurs pays peuvent rapprocher leurs économies, approfondir leur intégration, sans former pour autant une fédération complète. Et c'est précisément pour cela qu'il est utile. Car entre la souveraineté solitaire et la fédération, il n'y a pas un vide, il n'y a pas un grand trou institutionnel où il ne se passerait rien. Il y a au contraire tout un espace de solutions incomplètes, de compromis, d'arrangements, de constructions progressives. En un mot, il y a la vraie vie politique. Et c'est souvent là que tout se joue.